devant la fée féerique des lumières de Broadway. Souvent des soirs on se grise sur les scènes de Broadway, mais souvent les cœurs s'y brisent là-bas, mi-mi Broadway. Mi-mi Broadway dans son cœur a le secret du bonheur. Mi-mi Broadway, c'est ça sa façon, la sœur de Mimi Passon. Ses grands yeux clairs n'ont rien de pervers, bien sa plaie et sa chanson. Un gai moineau tout enjoué, voilà Mimi Broadway. Parmi tant de belles filles, comment ne pas hésiter de ces femmes si jolies, laquelle est Mimi Broadway? Mimi, c'est la plus charmante, et dans sa simplicité, elle est la plus élégante des artistes de Broadway. Mimi Broadway, dans son cœur, du bonheur. Mimi Broadway, c'est à sa façon, la sœur de Mimi Passon. Ses grands yeux clairs n'ont rien de pervers, bien sa blesse et sa chanson. Un gai moineau tout enjoué, voilà Mimi Broadway. Bientôt Mimi sera riche, car elle a tous les succès, et partout sur les affiches on peut voir Mimi Broadway. Mais toujours aussi gentille, elle ne change jamais, restant simple et bonne fille, la petite girl de Broadway. Mimi Broadway dans son cœur du bonheur. Mimi Broadway, c'est à sa façon, la sœur de Mimi Passon. Ses grands yeux clairs n'ont rien de pervers, bien sa plaie et sa chanson. Un gai moineau tout enjoué, voilà Mimi Broadway.